Quels sont donc ces principes montrant la vraie voie? Voici l'esprit agit si la vérité s'exprime. Vois qui est témoigné et ce que ça t'apporte. Car croire en Dieu signifie croire en l'esprit de Dieu. Crois au Dieu. Connaissance de Dieu, la